Thank you.

Thank you. guys to play all the songs out in the phones. Thank you.

It's not easy to play for 1 hour. Acoustic. With a telephone. On a Bluetooth speaker. Il y a de plus en plus de bordel. Ah, smells like family. You know, making sound like this with you. It's Christmas. Yeah, it's cool. I really enjoy it. I didn't play for a long time. New Year? Such session. Actually, 901 because I've worked on. Putain, c'est pas facile de parler. Sorry, I will talk later. Tu vois, joli. Joli. Yeah, I've worked with a book quite much. So it's still kind of improv, but also we need to be so much together that finally, well, it's a certain type of music. And with Tiffany we work also with stuff, but it's more like, it's more around text. So music beats like around some textual stuff, which is again another thing. With this kind of session, the word playing makes sense. Oh, really? Playing, yeah. It's like having fun. Yeah. Actually, I was thinking a lot about it because having fun and playing, it wasn't always my attitude in a way. Like, I would barely allow myself to play with a plastic something or like a cup. And I've seen it by Get Out. It was actually the first guy that since I knew that. He played in Nazi. Like you said, on these videotapes and super minimalistic. What's his name already? Lebik. Yeah. He came once and pretty long time ago. Ah, you've seen someone. Again. Yeah, it feels. Yeah, it's a very nice girl. She works in a restaurant. And every time they have extra, she brings it here. So sometimes it's shitty, but sometimes it's super good. Chapeau, ouais, vous aviez une méga subvention. Non, on est en train de. Ah, on est en train de faire. On a juste eu. Il était là, donc le gars m'a rappelé pour me dire c'est dans les clous, ce qu'on veut financer, c'est exactement ce que vous avez l'air de dire. C'est Jeunesse Histoire. Génial. C'est le fonds de développement de la vie associative. En fait, ils ont une. Ils ont fait un appel à projet au début de l'année, enfin à la fin de l'année dernière. Ils ont eu leur réponse, machin, bidule. Et une fois qu'ils ont attribué tous les budgets, il leur restait des trucs. Du coup, ils ont refait un mini appel, genre entre mi-juillet et mi-août. Genre, c'est sorti le 15 juillet et ça rentre le 24 août. Et c'est pour les structures qui n'ont pas plus de 2 employés et qui n'ont pas ou très peu de financement public. Vous n'en avez pas? Non. Du coup, on est pile poil dedans et c'est pour des structures qui sont en rapport direct avec du public. Et c'est pour leur projet de fonctionnement, c'est pas pour un nouveau projet, c'est pour ce qu'ils font déjà. C'est pas mal. And you have the news? No, I'm the one who's supposed to give some. Mm. He's waiting for a... I already made some paper, some writing about it, but I haven't... I have the last reading to do before sending it. Mm-hmm. To explain the project and who we are. And now you need to do a lot of administration or not? Ouais, bah faut que je finisse la compta de l'année dernière, non? Mm-hmm. Donc voilà, je m'y suis mis, je fais à peu près un mois par jour, il m'en reste 8. Et il y a le rapport d'activité de la même période, mais qui est déjà quasiment fini, il faut juste que Sven est en train de vérifier tout le document. Et après, tout le reste, c'est des trucs genre déclaration. Machin, c'est quand même pour moi déjà. Et il faut un budget qui tient compte de. Faut un nouveau budget qui tient compte de l'utilisation de l'argent. Vous mettrez où dans le loyer? Bah. On va le mettre un peu partout. Mmh. On va le mettre un peu dans le loyer. Enfin, on va le mettre évidemment. On va couvrir. L'idée c'est de couvrir tous les frais fixes. Mmh. Et avec ce qui reste, faire des projets. Ah, il va rester là? Bah ouais, parce qu'on a. Y a si on demande 15 000 euros, si jamais on a 15 000 euros. Qu'on les ait, mais nous on a en gros en comptant large on a 9000 euros de frais fixes par an. Oh, du coup on aurait encore 6000 euros pour faire des trucs. Wow. Et ça peut être filer 100 balles à quelqu'un pour qu'il finisse le montage d'un truc qu'on a déjà fait, il y a juste les vidéos à monter et tout ça pète, après on peut le vendre tel quel ou le refaire ailleurs ou je sais pas. Ça peut être plutôt que de sortir des trucs en photocopie dégueulasse, de temps en temps, quand il y a une belle expo, bah, faire une vraie com propre, un peu à l'avance. Mm-hmm. Bouger la mousse dans toute la France. Voilà, bouger la mousse dans toute la France. Non, ça c'est un projet auto. Pour l'instant, il s'autofinance aussi celui-là. Mais oui, à terme, voilà, ça pourrait être ça, ou repartir faire voilà, 2-3 petites résidences, une grosse. Dans l'année, je sais pas, inviter des artistes de Berlin à venir jouer. Enfin, on pourrait faire joujou avec quoi, en plus ce serait ça l'idée, c'est que on serait pas obligé de dire tout de suite exactement comment on est parti quoi. S'il est d'accord sur le principe qu'on paye, qu'on mette tous les loyers et qu'on voit tous les frais de fonctionnement déjà. Et du coup, même si on a déjà 6-7 000 euros, c'est déjà super. Mmh. Ça nous résout déjà une grosse partie des problèmes. Mmh. Tu me tiens au courant ? Mmh. Bah, de toute façon, tu n'as pas ça en ferme. Hein ? Tu n'as pas ça en ferme. Ah ouais ? Ouais. Tu lui diras aussi ? Je vais peut-être pas le mettre dans le dossier, mais je vais le dire à l'oral. Jeremy actually told me today that he met a friend that's in Asie, and he said that maybe it's going too close. Ouais. Là, vous êtes dans le méga rouge ou c'est quoi? Non, non, c'est juste qu'il y a personne. Et ouais, c'est fatigué. People are not available anymore for... Free projects. Hmm? Free projects. No, I mean for projects it's always okay. It's more like everyday caring, being there when there are concerts and preparing food and sound and cleaning. And, but you fall in love with money without needing to work. Somebody that would fall in love with money without needing to work. Oh, yeah, or maybe we make too much things, and well, when we are at like 4 nights per week, it's really too much. I mean, everybody gets crazy tired. Mm-hmm. But you have public, then otherwise you wouldn't do it. Yeah, well, we have public. We hope when we do it that we have, because if we do it, it's because either we have friends asking, please let us play there at such time, you know? Mm-hmm. Tuesday night at 11 p.m. Please for punk concert. Either we need to do more nights because at some point we have a little few money, so somebody on the booking is like okay, saying okay to everyone, and then the next month we have like we have 4 or 5 events per week. After 2, everybody says okay, I'm out. So it's finally it's for the 3 left, it's like one person getting crazy, like I have to find the 3 teams for tomorrow. And bah, c'est compliqué à dire parce qu'il y a des gens qui sont très impliqués sur des petits trucs. Mm. Genre par exemple Clara, elle vient pas faire le bar, elle vient pas faire le ménage, etc. Par contre, quand il y a un doppelganger à sortir, elle s'occupe des dates de résidence, de booker tout le monde, de récupérer tout, de faire la mise en place, de sortir le machin, d'aller dans des festivals pour les distribuer, de s'assurer que tout le monde reçoit son numéro. Enfin, elle fait un énorme boulot en fait, et vachement utile, enfin vachement bien pour nous quoi. C'est pas nécessaire qu'elle fasse autre chose finalement. Bah non, et de toute façon elle a pas envie de faire autre chose, parce qu'elle a déjà fait assez du reste, et qu'elle en a marre maintenant. Comme la plupart des gens, pour qui ça se passe bien, au bout d'un moment ils se concentrent sur un truc qu'ils ont envie de développer, c'est normal. Donc, et les autres, ça leur plaît de faire des soirées, mais pas forcément 4 fois par semaine. Et tu dirais qu'il y a combien de personnes dans l'équipe? Une quinzaine, quand même. Une petite quinzaine, quoi. Entre 12 et ouais, une grosse douzaine. Et je dirais, sur ce tas-là, il y en a peut-être 10 qui sont régulièrement présents dans les soirées. Et sur ces 10, il y en a 4 qui sont préoccupés à chaque soirée, qu'il y ait du monde ou pas du monde, etc. Plus, il y a 2 personnes qui s'occupent de l'administration. Toi ? Non, justement, j'avais réussi à ne plus m'en occuper. Mais bon, le président, c'est Mathieu, c'est le président de l'UNEL. Et... Ah, Mathieu Singer. Yeah. He's the actual president, but he's like the most transparent president of Asile. Et il y a une fille qui est trésorière et qui fait la compta et qui est super, mais qui est partie... bosser en mai, qui revient en octobre. L'autre nana qui faisait la compta avec elle est partie vivre à Lyon, mais elle revient plus. Et puis les autres, bah voilà, ça leur plaît de participer à des soirées de temps en temps, ou de donner un coup de main quand ils ont vraiment besoin, mais pas d'être content sur eux, 4 fois par semaine pour tenir le coup. Tu penses que les subs, ça peut faire revenir éventuellement des gens? Bah les subs, ça va faire partir les problèmes surtout, parce que du coup, on n'est plus du tout dans un truc, ah il y a un loyer à amortir, machin, c'est, on est, ah ben on a un lieu, qu'est-ce qu'on fait dedans, voilà. Et s'il n'y a personne, moi je m'en fous, parce que même tout seul, je fais des trucs, quoi. Et je sais que je ne suis pas tout seul, je sais que au premier projet qui va se développer, ben ça va, voilà, Tiffany va enquiller, si elle est dispo, et puis il y aura les 2-3 de l'asile qui étaient un peu vénères de faire le bar tout le temps, mais qui ont des trucs à participer, un projet et tout ça, qui vont venir refaire des trucs. Et tout le monde est chaud, enfin, quand j'ai quelques-uns à qui j'en ai parlé, pour dire voilà, il y a une possibilité qu'on ne ferme pas, c'est comme ça. Mais évidemment, les gens, ils viennent volontiers, ou quand on les appelle, parce que c'est une fois par mois même, ils viennent nettoyer, ils s'en foutent, quoi. C'est ça aussi le truc, c'est beaucoup plus facile de gérer un dynamisme d'équipe, même de dire par exemple, tiens, on fait un essai de workshop, on ne sait pas si ça attire du monde ou pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut indemniser la personne qui le fait. Ça change tout. Bon, qui veut faire un workshop? Moi. C'est, même si c'est 50 balles, c'est pas grave, c'est juste ok, bon, bah, je tente le truc, pour 50 balles, je le fais, et en vrai, c'est sous-payé, mais ça fait quand même un truc où tu te dis, c'est pas complètement inutile, c'est mieux que de faire la plonge pendant 4 heures. 2, je sais pas combien, ouais, c'est peut-être 2, non, c'est pas 25 balles de l'heure la plonge. Non, je pense pas. Peut-être 10 euros. Ouais. Puis même, je sais pas, les gens ils arrivent avec un projet, on a de quoi faire de la com autour de leur truc, on a de quoi prendre du temps de les accueillir. Voilà, si, maintenant c'est quand même aussi, voilà, c'est pas rien non plus, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui savent ce qui s'y passe, c'est un lieu qui existe depuis un bail. Ouais. Et puis voilà, si on y fait des trucs un peu, bah, y aura des soirées qui découvriront de ça, et puis il y aura de toute façon des gens qui voudront continuer à venir y jouer et tout. bon salarié, bon, on sera plus obligé de dire, ah ben non, on peut pas faire une résidence de plus de 5 jours parce que on peut pas perdre un week-end, des trucs hyper chiants quoi. Ou alors tiens, on fait la résidence, mais au bout de 5 jours, on range tout le matériel, on nettoie tout, et puis 3 jours après, on remet tout. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Et on dit, bah non, là, ce mois-ci, pas comme ça, c'est la résidence. Ouais. Ou c'est chantier, ou on fait jardin, je sais pas. Jardin. Bah, on a commencé à foutre des plantes à l'extérieur là. Okay. En fait, tu vois le toit là ? Ouais. Par chez moi, on peut sortir. Ok. Et ça donne sur le toit de l'Asie qui est en plastique qu'on ne peut pas vraiment utiliser, mais un peu derrière, il y a un autre toit de rez-de-chaussée en béton qui était jadis un petit jardin que les chats errants ont peu à peu massacré, puis recouvert de caca. Et au bout de 3 ans de Golgotha, on est sorti un jour avec Fabio, on a tout nettoyé, avec Fabio, Thomas, notre copain. C'était horrible, c'était la pire expérience de ma vie. Putain, 3 ans de merde. 3 ans de merde. 3 containers entiers. Non. De merde de chat. Mais vous avez pas chopé des masques quoi? Bah, on avait des combinaisons, des masques, des trucs là dedans. On était équipé quoi. Ah, vous avez pas touché dedans quoi? Ouais. You've been without any combinaisons? No, yeah, we had. Oh, you have? Yeah. They would be dead by now. Yeah, I guess we would. There was so many living things inside. 3 years. Yeah. L'angoisse. Et du coup maintenant c'est nickel. Bah du coup maintenant c'est nickel. Disons qu'il y a une négociation avec les chats, on aura fait une litière, donc on essaye de les pousser à aller dans la litière, mais du coup ça implique qu'il faut qu'on la change de temps en temps. Mais c'est quand même moins l'horreur que... Et donc du coup ils y vont tous. Genre tous les chats, ceux de la rue, etc. Tout le monde va à la litière. Mais bon, dès que la litière est pleine, ils commencent à aller un peu ailleurs aussi. Mais bon, ça a déjà simplifié un peu le problème, quoi. Donc là, on est en train de mettre un filet un peu genre comme celui-là, pour protéger toute cette partie-là, qui est un petit muret, et foutre des plantes, après, barder de plantes, pour que les chats de l'extérieur viennent plus. Et que les chats de chez moi puissent avoir un petit extérieur, mais où c'est pas constamment le passage, quoi. De temps en temps, on peut faire passage, genre, pour faire sortir les chats dedans, dehors, s'ils ont absolument besoin de rencontrer les autres. Enfin, en tout cas, on ne fermera pas complètement, parce que nous, on a besoin de passer aussi, mais du coup, voilà. Et après, c'est le toit du Molotov, qui n'est pas praticable en tant que tel, mais qui peut servir pour foutre des tas de bacs à plantes, etc. Et du coup, les gens de l'asile auraient accès par chez toi ? Bah, les gens de l'asile auraient éventuellement accès, mais surtout... à des moments, on pouvait faire des petits trucs avec quelques personnes, mais surtout, ça fait que toute la cour de voisinage a plus un jardin de caca, mais un jardin de trucs, de plantes, quoi. Mais personne qui s'était plaint ou quoi, c'est du puer la mort. Tout le monde se plaint, mais personne ne voulait s'en occuper. Les gens, ils jettent de la bouffe aux chats par la fenêtre, tu vois. Donc, il y a ceux qui veulent les tuer, il y a ceux qui veulent qui leur jettent de la bouffe, il y a ceux qui font les deux, qui leur jettent de la bouffe et qui appellent la mairie pour qu'on les tue. Et de toute façon, la mairie intervient pas parce que c'est zone privée, donc ils n'ont pas intervenu. Ni la SPA qui font plus ça, ni l'assistance aux animaux, ni personne, donc en fait, il faut se démerder. En gros, il faut choper les chats nous-mêmes et les emmener se faire opérer chez les vétérinaires. C'est ah ouais. Le truc qu'on peut faire. Du coup, j'essaie de négocier un truc avec l'assistance aux animaux pour que, en leur disant c'est des chats de la rue, je ne vais pas payer l'opération de 10 chats si je les capture. C'est clair. Mais par contre, il faut vraiment les faire opérer parce que sinon l'année prochaine, je vous aurai la même trempe. C'est vraiment des chats de boutière, quoi. Ils n'ont pas de chez eux. Non. Enfin, ils ont chez eux. Hein. Pour eux, c'est chez eux. Hein. Ouais, c'est toi. Mais ils n'ont pas de maître. Non. Ils font un peu de domestication. Mais c'est pas dans l'autre sens, hein. C'est clair. Ils ont pas de maître, ils ont des humains. Ils sont nombreux, quoi, c'est ça le truc, c'est que s'ils étaient 3, c'est mignon, ils sont tous contents, mais le problème c'est que ils sont 20. Quand tu dis 30, du coup t'es en dessous. L'année prochaine, ils vont. Bah, après, la mortalité du chat de rue, elle est quand même... Puis il y a des chats... En fait, il y a aussi des trucs, ils se chassent aussi mutuellement quand il commence à y en avoir trop. Ouais. une régulation qui se fait en général, j'ai remarqué, autour de 20. Mais c'est aussi parce que moi je fonctionne, dès qu'il y a des bébés, je les attrape de place. Ah ouais. Bah, autant possible. Ah ouais, putain, j'ai pas réalisé que t'avais tout ça. Ouais, c'est énorme. Mais bon. Les découvrir morts, c'est pas très drôle non plus. Les voir crever de soif en été, c'est pas très drôle non plus. Tu vois ça, toi? Bah, ils ont le droit de fenêtre, quoi. Du coup, je vois, ceux-là qui n'ont pas à manger, bah, ils viennent tous les jours, ils sont un peu plus maigres. Ok, mais t'as vu une barre de corps? Quatre. Chien? Chat. Chat. Ah, c'est chat. C'est chat. Avant chat, c'est une sorte de chien. Yeah, when I was a kid, I thought so too. But we know in France that les chiens ne font pas des chats. You know this expression? No, no. It means, well, dogs don't make cats. You know? But yeah, there are like 20 stray cats outside my home. And it's like the migrants' problem, you know? Because everybody likes them, but they would like them to be far away, not here. And at some point they feel sorry for them, so they still throw food and all, but they don't really want to take care of the problem as it is, like globalizing, so it's a mix of irrational tenderness and meaning and mean attitude. No real care. Yeah, no real care actually. Just the fact that when it's too violent, it's not cool, but when it's not violent, it's not cool either. So I really thought I was hearing a lot about how they treat the migration problem in Europe and all, and how all these nationalist countries who think that somehow it's going to vanish in a way if they do something or something, if they stop something or close something. And I'm like, okay, it's just the beginning. To in 10 years it will be like 5 times more, and European people will be a tiny part of planetary demography, so anyway, we're supposed to go at some point. And yeah, I don't know, nobody seems to say this, and it's so obvious. And with the cats it's kind of the same, nobody really accepts the idea that they have to be killed or something, especially that they would have to do themselves, so they don't like the idea, but at the same time, when it's taking care of them, negotiating to a veterinarian and all, it's like they don't want to do it neither, so. So, do you want some cats? Trop pas. Mais alors pas de qui? Yeah, I guess in Berlin it's like this part. You could feel that you could be able to organize something. I believe so. In your place? I mean generally. Like if. Yeah, I think you should have, like, if you wanted to have, like, happy cats in your home, it would need one cat door on the entrance, so he could wander, or maybe just open him sometimes, and he could wander around and come back, and yeah. Know to come back. It's just how come they are taken care of, in a way, because you see cats, but they are, like, cats having house, they are not really homeless cats. Yeah. Well, no cat is homeless when he has a house to go. Yeah. But you've been talking about homeless cats, you might say. No, yeah, but no, I was talking about the baby cats that I took home to raise them as humanizable cats. Mm-hmm. Ah, j'ai 4 petits là, mais qui sont temporaires, enfin, qui sont pas les miens, ouais. Qui ont 3 mois. Donc, ils sont super, ils sont trop classe. I train them for things, so they know they how. Don't pee everywhere. They don't pee everywhere. No, they're very clean. They play, they interact with humans. Some of them are very, very tender. They really like domestic cats, except that they have like this energy and it's like the ultimate Darwinian cat. Can resist to everything, is smart and beautiful. From and, the streets of Marseille, all the generations of all the cats like him and even this, all the cats like him. Yeah, because you know the survivor cats. They are the ones who get the partners. Mm-hmm. The respect. The respect of it. Yeah, and also the sex appeal, because they can then procreate a lot. And, you know, female cats, they actually can have several male sperm inside and make a package with several fathers in the same birth. At the same time? In the same birth, yeah. Huh. Ouais, c'est ça. Allez, donne-toi, mais c'est mon favori. Et toi, je t'en prends, c'est vraiment trop cool. Toi, je t'aime pas, mais t'as ton ADN pour toi quand même. Well, don't we do the same? More or less. I mean, have the idea of genetic compatibility occurred to you at some point? Like this little eugenic fantasmatic, oh yeah, if we mix, yeah, necessarily it could be top of the chart. Oh, mais nous on a fait des bêtises, c'est pour ça que je dis ça. C'est like genetical gastronomy. Yeah, you cannot see it on their face, but they are fucking reticent. Tu quoi? Ah ouais, moi aussi. Tu veux du feu, oui, toi? Ouais. Tiens, c'est ton feu. So you are a fan of Bluetooth speakers? Yeah, I kind of like it. I have this little, very, very standard JBL. Oh yeah, I remember. Which I really like, that I use in concert sometimes with a mic. Mm. And also when you have to be if you have to move, and just with batteries and the phone or the monotron that I can plug or little machines that I can plug on it, it's really cool. Yeah. above, it goes above. Mais l'aurore est humaine. C'est ça, tu es une gueule, tu es vraiment humaine. L'aurore est humaine, c'est le game with l'horreur est humaine. Non, l'erreur. L'horreur aussi. L'horreur aussi. Yeah, it's like, it's just. L'erreur. L'erreur est humaine. It's like the regular expression. Mistake is human. Mistake is human. Yeah. Which is already nice. I like it. And then. She said we live with aurore, meaning when the sun is rising, aurore. Very early aurore. So I just said aurore. So it's like aurore. Yeah, it looks like horror. Mm-hmm. So it makes a lot of words that are. Yeah, it's like three floors. Game aurore. Aurore. Oh, whoa. Oh, yeah, rules have been broken so many times. But actually, you cannot learn because there are exceptions. No, it's just vocabulary. You know this guy? Just vocabulary. Gerasim Luca? No. He's a Romanian poet who started poetry in France, mm-hmm. in French, before acquiring completely the French language. Really? Like, while he was learning French, he started poetry with it. And then he works on the language breaking, you know? But. With the language that he doesn't master, it's not. Well, actually, he does master it, but at such a point that he made its own. Mm-hmm. Meaning that he uses things that every French person can understand, but that we would not think about use. Mm-hmm. And also, he bugs on words. He will use repetition like this, so you all the time feel like he's searching for his words. It's really like a crazy guy, but it's hyper beautiful. Comment tu dis? Gerasim Luca. C'est sympa, mais je vois pas ce que c'est. C'est super bien. Il est récent. Les années 60-70, c'était le Breton était très fan de lui. Like post-surrealiste. C'est sûr qu'il y en aura. Non, si on a 15 000 €, j'aimerais bien monter un petit événement avec. Si j'ai un nouvel atelier. Bah oui, il m'a raconté. Je sais que c'était les dernières vacances. faire un tournage de film ultra space avec des nanas en tenue genre de vampirella super chelou. Et des mecs avec des caches secs à poil qui faisaient juste de la prise de son de basse sur des tapis. Pas mal. C'est trop beau. Et en fait, c'est le bordel tout le temps, les gens. Ok. Et du coup, comment ça se passe? C'est en quelle forme de participation pour proposer son... En fait, c'est autogéré. Il y a entre 60 et 80 artistes qui l'habitent. Donc, du coup, des écrivains, des performeurs, nous, maintenant, dans une ABD, des peintres, ce que tu veux. Et une fois que tu es locataire, ça n'est pas vraiment. Ça, c'est deux salles et tu les bloques. Ok. Et après, je peux faire des paquets avec le public ? Si, après, ils ont en plus, depuis cette année, à tout un tas de matos, des estrades, de la lumière, de la sonon, machin. Ils ont un bar ? À différents tarifs. Alors, il y a des bières un peu partout. Je sais pas comment ils fonctionnent là-dessus. Quand tu as des trucs avec le public, est-ce qu'ils font un mini-bar ou... Bah, en fait, après, en dehors de... Non, je pense qu'ils font un bar, mais en dehors, je sais pas, hein, moi je débarque, mais en dehors de, des événements intra personnes du lieu, ils louent aussi des pièces pour d'autres trucs. Okay. Et en fonction de si c'est commercial ou pas, ils louent à différents tarifs. Okay. Donc si c'est un truc super indé qui va pas ramener de thunes, il est pas cher. Si c'est un truc, des fois il y a des grosses expos internationales, elles louent cher. Ils font la remise okay. Entre et deux, du je coup, pense. Des fois, il y a des trucs où il y a des gens qui payent l'entrée, quoi. Je pense, ouais, je pense. Moi, je vais tout découvrir là, hein, mais... Eh ben, oui, moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir bah, dans quelles conditions tu pourrais se faire. J'ai trop moyen, j'ai juste une balance des idées. Et après, bah, y a des dates, tu vois, l'été, c'est ultra bouqué, novembre, vachement moins. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est dispo plutôt sur période hivernale. Ouais, plutôt genre novembre, février, tu vois, des moments où. Il se passe moins de trucs à Berlin. Ouais, c'est moins. C'est pas qu'il se passe moins de trucs, mais c'est qu'il y a quand même moins de touristes, c'est quand même moins, tu vois, la grosse affluence. Là, l'été, a priori, c'est mort, quoi. Mais l'été, il y a du monde, genre, tu veux dire. Ouais, dans le lieu, là. De toute façon, il y a du monde tout le temps, il y a tellement de monde qu'il y a du monde tout le temps. Mais le bâtiment lui-même, en plus, c'est trop beau, quoi. C'est un vieux truc en briques rouges qui faisait partie du mur. Encore tout le temps, qui est sur le canal, je sais pas si tu vois derrière. Ouais, ouais, tu vois ce truc le bâtiment lui-même, je sais pas, mais. Tu sais, il y avait un endroit sur le canal où il y a tout plein de petits bars où tu peux boire ouais. Quasiment sur l'eau. Ouais. C'est là. C'est le 3 grand postule. Ah ouais. Je crois que je vois. C'est en plein Kreuzberg. C'est Clapton Fall Park. Ouais, ouais, ouais. À côté du métro. C'est ouf. C'est très bien situé. Ouais, c'est dingue. Non, mais c'est ouf. Et c'est genre à 10 minutes à France de la maison. Et comment il s'appelle ce lieu ? Flutkraben. Flutkraben. Mmh. En allemand ? Ouais. Et cerise sur le gâteau, il y a un peu la terrasse. On peut se racheter. On ne peut pas faire d'événement parce qu'en fait, normalement, on n'a pas le droit d'y aller. C'est pas assuré. Mais nous, on peut mettre une caméra et une voile et un truc qui fait un machin au bout du vent et qui retransmet une vidéo. Ah oui. Et de toute façon, nous, on a une clé, on a le droit d'aller nous voir de plus si on a envie. On peut faire un peu de comité, quoi, mais on peut pas... Ouais, oui, oui, tu peux pas recevoir du public. Mais c'est super, hein. C'est super, hein. Mais c'est... Là, on a... Et du coup, quand t'es sur ta terrasse, t'es visible de la rue? Non. T'es visible du canal. T'es pas visible d'en bas, mais t'es visible de loin, quoi. Ouais. Fais un stroboscope, ça va se voir quoi. Bon, tu vas te faire engager même un probablement. Pour pas pollution lumineuse. Tu sais là-bas il y a des poteaux, enfin, c'est le ouais. Seul, peut-être le seul point négatif, c'est qu'il y a, en tout cas en été c'est sûr, une pollution sonore de malade. Ah ouais. Les clubs ça rentre jamais. Eh ouais. Mais pas tout avoir. Bah non. À un moment moi ça je m'en fous un peu au pire, je passerai avec des bonnes pièces pendant 2 mois. Là, je m'en fous pas. Mais ouais, non, non, c'est... J'ai gagné au loto, là. C'est ouais. Cool, hein. Ah ouais. Putain, c'est chouette. Bon, bah voilà, si je gagne aussi au loto. Ouais. Non, puis en plus, c'est génial, c'est que ce truc donc existe depuis 25 ans. Il y a en gros un board de 12 artistes qui gèrent le truc, c'est que des artistes. tous les meubles pas cher, mais tout ce qui est entretien, machin, c'est sur vous. Ah bah comme nous. Donc ils ont dit ok, sauf que tu vois le bâtiment, enfin, c'est pas un truc à entretenir, c'est malade. Ouais. Et là, ça fait des années qu'ils bossent dessus, ils ont obtenu un mécénat du loto allemand, genre la française des jeux, quoi, de là-bas, qui a pris 2 millions. L'allemand des jeux. Il a pris 2 millions d'euros. Pour un bâtiment comme ça, c'est juste ce qu'il faut pour qu'il ne s'écroule pas, en fait. Mais, ah oui, parce qu'il y a du rose. Ah ouais, non, c'est ouf, là, ils vont changer toutes les fenêtres. Genre, elles sont pourrables. Non, mais les fenêtres, d'accord, mais, non, mais la charpente du bâtiment, elle est chère. Je ne sais pas comment c'est foutu, mais tu vois, dans le, quand tu montes les escaliers, en hiver, on va se peler les gens. Il y a des trous dans tous les murs, il y a de la tôle pour fermer certains murs, ouais. Avec des trous dedans, enfin... C'est un vieux machin. Le ça fait quoi comme surface? C'est grand. C'est immense. Ah ouais. C'est immense. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment grand. Et du coup, là, l'histoire, c'est fou. C'est que du coup, ils ont débloqué cette thune. Mais comme c'est les locataires qui vont investir 2 millions d'euros dans l'immeuble, le propriétaire a été obligé de signer un papier. Que pendant les 30 prochaines années, à partir du début des travaux, maintenant, okay. Ni les expulser, okay, c'est ni augmenter ça. Le loyer. C'est grâce aux 2 millions d'euros. Ouais. Oh, mais nous, trop contents, le proprio. Mais trop content, mais nous aussi, parce que là, Berlin, ça spécule à mort. Mais oui, non, mais je veux dire, tout le monde est content, c'est un truc gagnant-gagnant, parce que proprio, il se dit, bon, bah, pendant 30 ans, c'est couvert, il y a 2 millions d'euros pour l'entretien, je les aurais jamais gagnés avec ce lieu tout seul. Et nous, on paye 1 euro. Laisse tomber, c'est à Berlin, c'est fini. Enfin, c'est cool, hein. Mais oui. C'est fou, ils ont le projet. Et voilà. Et ils ont eu envie de nous accueillir, nous. Et est-ce qu'ils centralisent la communication, quand il y a des événements, tout ça? Ouais, carrément. Bah, ils ont une équipe, tout ça. Carrément. Il y a 12 personnes qui bossent à temps plein, en fait. Dans la gestion du lieu en général. Ouais. 3 élèves qui font la mine, enfin, c'est un gros bidule. En mode truc de créa, quoi, avec des artistes. Oui, toujours. Ah oui, donc aussi les trucs sociaux, les ateliers, la pédago. Alors après, ils ne sont pas fermés à ça, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est pas ça qu'ils font. Non, non, c'est des artistes. Artistes. Ouais. Ouais. Qui font des trucs et qui font des événements. Hein, mais... Il y a des Français? Oui, tout, je suis sûre. Non, même dans l'équipe que tu as rencontré. Ah non. Donc, pour l'instant, j'ai rencontré que des Allemands. Je pense que le board, il est relativement allemand. Moins d'être français, plus envie. Non, mais après, dans les artistes, par contre, je pense qu'il y a... Non, mais les artistes, c'est autre chose, mais... Et après, je discutais avec un gars très sympa un dernier mois, qui me disait qu'en gros, ça se divise en deux catégories. T'as ceux qui ont envie de rencontrer les autres, voilà, c'est à peu près la moitié, puis t'as l'autre moitié qui a juste envie de me foutre un peu, qui va bosser. Ça marche très bien comme ça. Ah, tu veux dire, ceux qui ont envie de rencontrer les autres, ils peuvent pas bosser? Non, je veux dire qu'il y a ceux qui vont avoir envie de communiquer et puis il y a ceux qui n'ont pas envie. Qui sont dans leur coin. Ouais. Mais sur 60-80 personnes, ça pousse quand même la marge pour rencontrer les gens. Bah ouais, c'est clair. Et puis il y a un grand espace comme ça, c'est pas forcément pour faire des mondialités, c'est pas grave. Eh ben non, eh ben non. Mais ouais, non, c'est... Eh ben, ah oui, ça donne envie de venir, hein. Ah bah ouais, et puis l'atelier en lui-même, en plus, la pièce qu'on a dégotée, elle est trop bien. Il doit y avoir, je sais pas, 4 mètres sur le plafond. Ok, et ben, très bien. Et ben, si... Si t'as la thune, tu viens. Si j'ai un peu de thune, je viens, je viens. On va le coup et puis on ouais. Fait un truc. Ouais. Avec Doppelganger, avec, tu vois. Ouais. Tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Moi, je veux pas trop parler là avant de faire des trucs, mais j'ai quand même... Oui, oui, bah, de toute façon, voilà, pour l'instant, c'est des options, je sais que ça passe avec des trucs, mais... Du coup, j'imagine, toi aussi, découvrant le lieu, ça va te donner plein d'autres idées de collections, de trucs, des machins, d'événements, peut-être des festivals, on peut pas vous courant encore, mais qui sont dédiés à ce qu'il y a ça, enfin, voilà, c'est pas des trucs intéressants. C'est trop bien, hein, c'est comme d'arriver dans un nouveau village, quoi. Carrément, ouais, mais... de mon ancien atelier, j'avais vraiment envie aussi. Là, ça ne pouvait pas être une petite. Si ça avait été que j'aurais rêvé l'atelier idéal, il n'aurait pas été mieux dessus. Bah oui, t'avais pas pensé à tout ce Thank you. to leur part. Est-ce que tu m'as parlé de faire un enseignement? De quoi, de ça? Ouais. Ouais. Alors, il y a un bug principal dans cette machine, donc le fait que ces deux boutons-là ne marchent plus, c'est que... voilà, là ça fait du son, mais des fois, voilà, ça ne marche plus, parce qu'il y a un petit faux contact là. Okay. Mais du coup, ce petit faux contact, ça fait que des fois, c'est un truc bizarre. Voilà. Donc des fois, quand tu tires et que ça ne fait pas de son, ben, c'est ça qu'il faut te taper un peu, jusqu'à ce que ça marche. Après ça, sinon, donc tu as... c'est comme ça. Mm-hmm. Et après, c'est que des effets dessus. Donc ça, c'est un LFO, c'est un truc qui sert à moduler le son. Donc, je le ralentis un peu et je l'augmente sa puissance. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle ça défile. Et ça, c'est... sur quelle variation il okay. le fait. Ouais. Et donc, ça fait des petits sons comme ça parce que c'est ouais, en triangle. Okay, ouais. C'est comme le mot en fait. Ouais, voilà, c'est très proche. En fait, ça fait un tac tac tac. Et là, le troisième. Et du coup, voilà. Après ça, t'as qu'à le manipuler au hasard et tu verras bien ce que ça fait. Et après, ça, c'est un autre qui donne une autre texture au son. Ouais, là je vois en fait. Voilà. Et là il y en a encore un autre qui rajoute du vent. Et puis voilà, là c'est en wide, ce qui veut dire que tu as tout le clavier sur un seul ruban. Okay. Et en narrow, tu te sers de ça quoi, avec les octaves. Ok. Voilà. Okay. Et après. Ça fait une boucle. Ouais, alors pour la changer, appuie là, ici, et pour laisser là, comme ça c'est même dans tous les trucs. Et après, bon, ça les coupe aussi. Et voilà, après selon les trucs. Trop bien. Voilà. Oui, merci. Vas-y. It's also cool to build some sensors where you can kind of hit your body in a technical way that they actually make some sound. really cool to play with you guys on this recording, that I could put some sounds on it. Mm-hmm. It was really cool to play on the songs that you yeah, made. Yeah, it was really nice. I super enjoyed it. I did some, there was some missing tracks from my instruments. Mm-hmm. So when I did them, it was over with your sound already. Mm-hmm. And it was really cool also, the color it gives to mm-hmm. some pieces. I really, there are a few of them that I really, really love with this clarinet line. It's really cool. Yeah, I hope when you come to Berlin that we will also make maybe one set together or something like that. Would be also cool. Yeah, sure. So I mean, if I come with a project ID, it's with you, of course. Because it's in Berlin. I mean, sometimes when I'm invited, I don't know words to say, but if I'm organizing it, of course. Obvious. Ça c'est les basses, ça c'est les testers, ça c'est les cymbales. Là c'est les trois les basses. Totally analog, there are no presets that you press the button. No, yeah. Mm-hmm. Thank you. Thank you.